célébrais ton amour. Ta mère annonce ton départ et un chagrin lugubre revient. Ombre de douleur si funèbre, je suis le disque fragile en acétate que tu rayes dans un bar de coin. Je suis litanie d'âme en gémissement, faiseur d'écho et de mélancolie. Sans larmes pour me consoler, tu te réfugies dans ton lointain. Caresse échangée contre ton idylle, dans une réunion de comptables à York. Je suis désormais un salon funèbre chantant les oublis déformés par les défunts. Litanie, douleur sans larmes, depuis ma veille je peux encore. Dans la mer de nos plaisirs.